Bonjour et merci d'être fidèle à l'histoire en vidéo. Alors nous avons vu donc dans le précédent podcast non seulement comment a été organisée l'administration mérovingienne autour de l'institution du palais, et nous étions arrivés donc à la mort de Dagobert, mort d'un flux au ventre en 639, selon certains chroniqueurs. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement de quelle maladie il a pu mourir, mais on pense qu'il serait mort plutôt d'une appendicite. Et donc voilà, Clovis II est à sa mort proclamé roi de Neustrie et de Bourgogne. La cérémonie se passe dans le palais de Clichy ou à la villa royale de Malais-le-Roi, sur les bords de Lyonne. Donc aujourd'hui, les historiens penchent plutôt sur le fait que la cérémonie a pu se passer dans la villa royale de Malais-le-Roi. Et là, nous avions vu aussi dans le précédent podcast comment en était le fait de devenir roi chez les Mérovingiens était un processus progressif, puisqu'il y avait d'abord une première étape qui suivait tout de suite la mort du roi, puis une seconde étape qu'on plaçait à peu près aux environs de 12 ans, qui était une forme d'adoubement, et enfin suivi d'une troisième étape qui était plutôt placée à l'âge de 26 ans, à l'âge où les Romains placent en réalité la fin de l'adolescence et l'entrée dans la vie adulte, grâce à des charges publiques plus importantes. Et il est possible qu'il y ait eu cette proximité donc entre le droit franc, le droit mérovingien et le droit romain sur cet aspect-là, c'est-à-dire le fait que à 26 ans, le roi mérovingien rentre dans une souveraineté de plein exercice. On l'a vu avec Childebert, puisque sa mère Brunehaute avait voulu que, à cet âge-là, à peu près, aux environs de 26 ans, son fils proclame devant une assemblée de grands la fameuse décrétion de Childebert de 595. C'était donc un acte politique fort qui était en même temps une forme d'intronisation royale. Une façon de dire, voilà. Le roi est en âge de régner. La preuve, c'est qu'il va commencer par proclamer un édit royal devant une assemblée de grands du royaume, sans autre intermédiaire que lui-même. Mais donc, à la mort de Dagobert II, les choses se présentent un peu différemment, enfin, de Dagobert Ier, les choses se présentent différemment puisque Clovis n'a que 4 ans. Nantilde s'appuie sur l'assistance efficace du maire du palais, Ega, pour le royaume de Neustrie, qui était déjà en fonction à l'époque de Dagobert. Ega est présenté par les partisans des Carolingiens comme un intrigant, assoiffé de pouvoir. D'autres chroniqueurs le considèrent comme improbe, comme propre et accessible, quoique un peu avare. En tout cas, sa nomination a lieu en même temps environ que l'éloignement des célèbres et considérables ministres de Dagobert, que furent Éloi et Ouen, tous les deux nommés évêques. Ce qui est une véritable promotion à cette époque-là. Est-ce une simple manœuvre d'Ega qui ne voulait plus que de telles personnalités lui fassent de l'ombre, ou simplement ces hommes pieux et assoiffés de se consacrer à Dieu ont-ils demandé leur congé? En tout cas, à partir de cette date, Ega va pouvoir exercer sans partage. Mais ça ne va pas durer longtemps puisqu'une fièvre quinte va l'emporter au bout de 3 ans. Et il sera remplacé en 641 par un certain Erchinoald. Erchinoald, en français moderne, c'est Archambault. Cet homme est un cousin de la reine Bertrude, et donc nommé un homme à la fois compétent et en même temps qui est un proche de Dagobert, puisqu'il vient de la même famille, est une mesure de prudence judicieuse. Et donc Archambault prend le pouvoir. Enfin, devient maire du palais à partir de 642. C'est un homme connu pour être expérimenté et plutôt doux, plutôt humble. Alors, à la même époque, par contre, en Austrasie, les choses sont différentes. En Austrasie règne le roi Sigebert III. Il est encore un peu jeune pour régner. La régence est confiée à Nanthilde. Et là-bas, l'influence des Pépinides est très importante. Les grands du royaume font pression donc sur Nanthilde pour que elle écarte Adalgisel, qui avait été nommé par Dagobert, qui était donc un membre de la famille Pépinide, mais dont le charisme le rendait plus malléable, pour le remplacer par Pépin de Landen. Pépin de Landen, le sage, le bon Pépin de Landen, qui a été un remarquable maire du palais, à l'époque de Clotaire II, et qui revendiquait la mairie du palais. Pépin de Landen est rappelé en fonction en 642, mais il exerce la fonction encore un an avant de mourir. Et il transmet sa fonction de maire du palais à son fils Grimoald. En tout cas, d'un point de vue, donc en Austrasie, nous avons comme maire du palais Pépin de Landen, en Neustrie, nous avons Archambault, et en Bourgogne, les Bourguignons réclament un maire du palais à eux, et Nantilde leur donne un noble franc d'origine un peu inconnue. On ne sait pas d'où il vient, c'est ce fameux Flavade. Flavade, d'ailleurs son nom est orthographié de façon un peu étrange, quelquefois c'est Flucoalt. En tout cas, c'est un noble franc bourguignon qui est du côté plutôt neustrien et qui semble connaître très bien la reine Nantilde. Certains prétendent que il aurait été l'amant de la reine Nantilde, ce sont d'ailleurs la position de certains historiens modernes. Mais en tout cas, à peine entré en fonction, Flavade va rentrer en guerre contre un représentant bien installé de la vieille aristocratie bourguignonne, allié des Romains, ce fameux le patrice Willibald. Le patrice, alors patrice, c'est un titre de noblesse qui date de l'époque de l'Empire romain. C'est une forme de général, voilà. Mais alors, on ne comprend pas la raison de cette haine farouche entre Flavade et Willibald. Les chroniqueurs prétendent que cette animosité serait purement personnelle. Elle en a tous les airs. Elle daterait de bien avant l'accession de Flavade à la mairie du palais. Mais sur un plan politique, Flavade a-t-il raison de se méfier de cette aristocratie très puissante, de s'en mêler, susceptible de faire alliance avec des ennemis du Regnum Francorum? Ou est-ce que Flavade voit en Willibald, un soutien des Pépinides? Deux batailles, puis un duel ordalique, auront raison de ces deux ennemis irréconciliables qui vont mourir à 11 jours d'intervalle en 642. Pas brillant. Archambault devient alors maire du palais de Bourgogne et les revendications particularistes des Bourguignons s'inclinent devant la compétence et la sagesse du nouveau maire du palais. Archambault. L'expérience Flavade n'a pas convaincu. Nous allons voir la suite dans notre prochain podcast. Merci et à bientôt.